On va. À tous les jeudis, on aura celui qui est en charge du programme de hockey des Aigles de Roberval, Simon Gaudreau. Donc, les matchs en concours ont lieu au cours des dernières semaines. Et en fin de semaine, c'est le début de la saison. On va parler avec lui pour la première chronique. Salut, Simon. Salut, Danny. Simon, d'abord, comment ça a été le camp d'entraînement? Ouais, ça s'est très bien passé. Dans le fond, c'était quand même un long camp d'entraînement, dans le sens qu'on a eu un pré-camp, ensuite on a eu un camp de sélection. Puis là, on pratique depuis un certain temps aussi. Et puis, on a eu des matchs là, toutes les fins de semaine, là, tout dépendant des calibres. Donc, ça s'est passé très bien. Puis on familiarise, on est en train de se familiariser aussi avec nos nouveaux locaux, le fonctionnement, la logistique de tout ça. Ça va très bien. OK. Donc, est-ce que tu penses que tu as vu des équipes, la ligue est-tu meilleure que tu pensais? Ben, j'ai pas vraiment vu d'équipe, là. En Benjamin, j'ai vu Chicoutimi seulement. Ensuite de ça, on a pu faire des comparables avec d'autres équipes. Je pense vraiment que Cardinal-Leroy va avoir une bonne équipe. Ensuite de ça, en cadet, j'ai joué contre Arvida seulement, donc ça a été des matchs serrés. Arvida a gagné tous les matchs en cadet par un but, environ un ou deux buts, donc c'était très serré. Et puis en juvénile, notre juvénile, ils ont une fiche là, de pré-saison de deux victoires, une nulle, une défaite là, contre Arvida. Donc on pensait qu'Arvida allait avoir un bon club dans la Ligue, donc en ayant une fiche comme ça, on pense que nous autres aussi, on va avoir quand même un bon club. Notre club juvénile est quand même très bien réparti là, par rapport à la profondeur, les deuxièmes années, les premières années, nos gardiens de but, les défenseurs, attaquants, là, on a un petit peu de tout. Donc c'est intéressant. C'est une équipe qui est intrigante à voir, puis qui est travaillante aussi. Et puis pour ce qui est de la Ligue, vraiment, là, c'est un petit peu dur de me prononcer là, pour le OK. moment. Mais Ouais. c'est intriguant pour tout le monde. C'est l'an 1, donc on ne sait pas ce qu'on s'en va, ni personne, dans le fond, là. Même toi, tu sais un Exact. peu, mais tu sais pas non plus. Non, c'est ça, exactement. Je sais le calibre que j'ai dans mes équipes. Chez nous, dans ma cour, mais tu sais, je m'attends vraiment que comme par exemple, en Benjamin, on affronte Cardinal-Leroy le premier match. Je pense vraiment que Cardinal va avoir une bonne équipe. C'est qui Cardinal-Leroy? C'est quelle équipe, ça? C'est l'équipe de Québec? C'est C'est une une équipe équipe? de Québec. Ouais, OK. c'est une équipe de Québec. Fait que je pense que ça va vraiment être une bonne équipe. C'est des équipes qui sont reconnues dans le D1, là, qui domine année après année, là. Fait que c'est vraiment, je m'attends vraiment à une bonne opposition de leur part, là, vraiment. OK. Dis-moi, le camp d'entraînement, est-ce que tu es content quand même? Y a-tu eu des belles surprises? Y a-tu eu quelque chose que tu t'attendais pas puis qui a éclaté finalement? Ben, je te dirais, ce qui me surprend le plus, là, les trois catégories confondues, c'est vraiment la réception des joueurs, justement aux choses qui ont été enseignées. Puis à l'application, je veux dire, on a des joueurs de hockey qui sont capables d'appliquer ce qu'on leur enseigne avec une certaine facilité, je trouve, là, pour en tout cas pour certains calibres, là, je dirais que c'est surprenant. Là. Je dirais spécial là-dessus. On travaille fort, tu sais, c'est beaucoup de. On a commencé le vidéo, on a commencé du hors-glace, on a commencé des pratiques conjointes, des trucs comme ça. Fait que c'est toutes des affaires qui sont nouvelles pour eux. Un joueur de hockey là, en juvénile, cette semaine, on s'est installé pour faire du vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on travaille sur vos matchs, on visionne des trucs, puis on essaie de se rendre meilleur. Tu sais, c'est des choses qu'ils n'ont jamais faites depuis que. Non. Ils sont mag, donc on part de quand même plus loin dans là-dessus, mais ils sont réceptifs, puis on les sent encouragés dans le sens qu'ils n'ont jamais vu ça, c'est de la nouveauté, puis ils sentent qu'ils peuvent progresser puis avancer en tant que joueurs, puis en tant qu'équipe. Pour ça, ben, c'est important. OK, donc c'est sûr que c'est sûr que. Mais écoute, là, quand tu joues dans le civil au niveau atome, puis oui, tu joues ton match, tu vas pratiquer, puis c'est tout, là. Oh oui, c'est en plein ça. C'est pour ça C'est qu'ils exactement n'ont ça. pas eu à voir ça, puis le vidéo, puis tout ça. Là, écoute, c'est une adaptation pour tout le monde, soyons honnêtes, là. Aussi, donc, en fin de semaine, c'est au niveau cadet, les trois équipes jouent, donc c'est contre une équipe de Québec. Les deux autres formations vont jouer contre qui? Ben pour l'heure de la fin de semaine, donc le juvénile, le premier match d'histoire des Aigles demain soir au centre Benoît-Lévesque à 19h OK. contre une équipe de Québec, Samuel de Champlain, qui eux ont déjà joué un match cette semaine, qui ont battu une équipe de Cardinal-Leroy en D2 chez eux, qui viennent jouer demain à Roberval. Samedi, c'est maintenant Cardinal-Roy qui vient affronter le Benjamin à 2 h OK. au Centre sportif Benoît-Lévesque. Pendant ce temps, à Arvida, le cadet et le juvénile font un programme double contre Arvida à Arvida à 11h25 et à 13h25. Ensuite de ça, le dimanche, à la maison maintenant, c'est les Benjamins qui reçoivent les Lynx d'Alma en Benjamin à compter de midi au Centre sportif Benoît-Lévesque également. Et ça, l'entrée est gratuite, ça me surprend. C'est sûr que c'est du scolaire, donc c'est sûr, mais y a des ligues scolaires qui chargent un prix d'entrée pareil. C'est-tu parce que vous voulez vraiment, l'an 1, avoir le plus de monde possible? C'est pas une décision de notre côté, c'est vraiment un règlement de ligue. Quand on OK. reçoit le cahier de charge, c'est l'entrée gratuite. Dans le fond, nous, là, dans notre coût d'inscription à l'année, c'est comme si ça fait partie de ça, là. C'est entrée gratuite pour tous et chacun au niveau du RSEQ. OK. Y a-t-il des joueurs de Dolbeau, Mistassini, qui sont dans l'équipe? Oui, on a des joueurs là, du secteur Lac-Saint-Jean-Nord. En Benjamin, on en a plusieurs quand même. Ouais. On a Mathis Villeneuve, OK. Émile Pagé, Élie Gauthier, Bassi Vincent. Ensuite, crime, j'ai pas oublié, j'ai pas Non, ma oui, liste en OK. avant, là. Ensuite de ça, en juvénile, Joey Lavoie. OK. Puis je crois que ça complète, là. J'ai oublié peut-être OK. un, je suis désolé si j'oublie un, mais. OK. Donc, on va se parler tous les jeudis, faire le bilan des matchs, et ensuite de ça, par la suite, on va parler des matchs qui s'en viennent au cours de la fin de semaine. Super. Voilà, donc, Simon Gaudreau, celui qui est en charge du hockey scolaire des Aigles de Robert-Val.